1. La poussette de Calypso pointe à l'Ocerro del Alba, exceptionnellement saignant sous les centes des sourires siamois. 2. Caduc et certain, le cri de l'acéphale qui recroqueville son axe, sillonnant les glaires en pleine nitescence zébrée. 3. Très facile, la diction trépidante, accroupie le long des arêtes du corail durant cet hématome mondial où clignotent des vagins prédateurs amnésiques. 4. L'empalement, la crucifixion, dessoudant quelques amants, quadruplant le mot sans air, là s'y étoile la bruyère, vers ce vert écartelé par Jupiter, sans semblant de litière claire. 5. S'incarne l'érodium sur le xylophone stellaire hanté, puis cible l'interstice des syllabes de la pomme au plexus, du plexus à la pomme, afin que surfe sur la cyprine le scalpel passionné. 6. Sera alors l'amour du charmeur de serpent, dès à présent drapé au sein tumultueux des vignes flirtant avec l'équinoxe comateuse dans la salle d'attente des caresses. 7. Puisque, ce 7, tu sais, les cliquetis qui claquettent leurs coquillages avec la rage à savourer complice d'un étiquetage quêteur et suceur. 8. Dors ainsi avec vous la détonation quotidienne à pic du vertige cervical, si proche des artères en aspersoir machinal, au-delà du seuil de jouissance vagale. 9. Car hante deux tout petits êtres inspirant le fleurissement globulaire blotti aux bombes, inhabitables, entre chaque labeur des utérus cristallisés parmi les tresses du ciel. 10. Le quadrille d'un copain et de son néant qui sculpte le fluide arachnoïde, l'océan omniscient par ponction méthodique d'âme vampirique. 11. Reviendra la trique dueliste sur les fesses fraîches, accouplant la profondeur aqueuse au clignotement céleste des clitoris, de tout risque éperdument bondé. 12. Dans le mille d'orbites percuteurs à retour rieur, en l'heure photonique à coquiner des manimentales du très populaire gosier de métal. 13. Bâton qu'appelle le giron auroral, y demeure cette source, cette bosse neuve, cette adoration d'initiation en maintes leçons gravées sur le soupir du sable.